paro. Je suis à la ligne d'arrivée, je repars à zéro. Carré type PD, je me suis fight avec mes taflots. Tu veux un film d'horreur, donc prononce Fienzo. Kalium, tu sors d'un Valium. Je fume la stru sur un tabac ou aluminium. Je veux de la performance, ma gueule un minimum. Je gère ta tasse, putain, ce qu'elle est mignonne. J'allume un connard, on me sort un polar. Je veux pas billet sur ta tête, j'en reste de polar. Tant que je suis en vie, moi Zinov. Les palans sont fréquents depuis qu'il y a le millénium. Va falloir qu'ils se lèvent tôt pour accrocher le jaguar. À chaque son que je pose, on les entend pas, appelle chat noir. J'ai l'harmonie à chaque lettre. On n'est pas dans la soirée, PD de garde champêtre. À chaque zik, je les réendette. On a fumé tous les moutons, ça évitera qu'ils fassent les bêtes. T'es sur un air de Big Funk, j'plane, j'enchaîne les dunks. Tu t'es tellement arraché les fush que t'auras pas fait le punk.